marchent sur leurs mots et plus fortes que le mépris qu'ils portent sur leurs dents. Il a cassé le socle qui le contenait, oui, mais il a trouvé les chiottes. Elles étaient à l'entrée, devenant assez vieux, si vite, si gros. Les journalistes s'y sont frottés, s'y sont piqués, s'y sont. Il y a des jours où la vie ressemble à prétexte à tout, on se dit Camille n'était pas si loin de la plaque. Il y a des jours où l'envie de cracher sur leurs mots plus forte que le mépris qu'ils portent sur leur dos. Il a senti l'odeur des mots enturbanés, de la sueur sur son col. Prétexte à sort ses pieds, passe la corde au cou, des mots, des syllabes. Prétexte à chanter une dernière fois son nom d'affaire. Il a brisé la pierre qui le retenait, il est sorti de l'âme, il ne sait plus que penser. Ne rêve-t-il pas de suivre l'envol des sons plutôt que cette vie dans ses mots de raison? Il y a des jours où la vie ressemble à prétexte à tout, on se dit qu'Emily n'était pas si loin de la plaque. Il y a des jours où l'envie de cracher sur leurs mots plus forte que le mépris qui partent sur leur dos. Prétexte à lèche, essuie la fierté de Nina, renifle son cou, mais limite ses volontés, planquées dans son enveloppe figée, moulée. Prétexte à craint la mort et sort ses pieds. Prétexte à lèche, essuie la fierté de Nina, souffle sur son cou et admet ses volontés, sorties de son enveloppe figée, moulée. Prétexte à